Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. En mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, Daniel Bolduc, et au nom du personnel du Centre d'universalité, je vous souhaite une excellente soirée. La tradition ici est d'aider les personnes qui sont nouvelles, ou encore même pour les habitués, à comprendre les conférences de Daniel. Étant donné que Daniel parle avec un vocabulaire relativement spécialisé, parfois il invente aussi des mots au fur et à mesure de la conférence. Puis pour mieux saisir son message, nous offrons la première partie de la conférence de ce soir, enregistrée sur cassette audio, gratuitement à tous ceux qui se procurent le billet de la prochaine conférence de Daniel. Et la prochaine conférence de Daniel, la puissance de l'homme nouveau, l'ajustement. Et avis aussi au PMC, tous ceux qui font le PMC, il y aura ce dimanche-ci, le 19 octobre, la conférence spéciale du mois de Daniel. Alors, ce soir, le titre nous suggère déjà le but de la conférence, c'est-à-dire pourquoi être son seul maître. Sans plus tarder, on accueille Daniel Kemp, qui nous en apprendra de plus en plus. E.T. est proche. Alors, on débute avec une question qui, je crois, va toucher plusieurs personnes. On dit que toutes les religions, les sectes, enfin, le monde spirituel, se disent que le seul fait de croire, d'avoir la foi, d'être relié à eux, à ces dernières dont je parlais, par le baptême, est suffisant pour que l'homme puisse être sauvé. Est-ce qu'il en est ainsi? Bon. Disons que rarement les sectes qui... Une secte, normalement, ne veut pas que l'humain croie en elle, mais plutôt en quelque chose qui anime la secte. Alors, la majorité des sectes à caractère judéo-chrétien vont demander aux fidèles de croire dans le Christ et d'être baptisés par les prêtres ou par les pasteurs de la secte. Si on veut faire référence à des sectes qui ne sont pas d'ordre judéo-chrétienne, encore une fois, on doit non pas croire dans la secte, mais croire plutôt soit dans le maître, soit dans l'homme-dieu, prenons l'exemple du pasteur Jones, soit dans des dieux qui sont antédiluviens, on peut parler de Krishna, de Rama ou d'autres formes de dieux, de divinités. Alors, ce qui fait que ce sont rares. Une secte, normalement, ne demande pas, pour ajuster simplement la question, ne demande pas que l'homme croit dans la secte, mais plutôt dans un livre fondamental, un livre sacré, parce que sacré des choses, soit dans un dieu qui est... dont on va compter l'histoire dans le livre. Et on a plusieurs livres sur la vie à l'échelle de la planète. On en connaît plusieurs, dont la Bible, évidemment. On connaît le Coran, on connaît la Bhagavad Gita, on connaît le Talmud, on connaît plusieurs autres livres. Maintenant, qu'en est-il du fait d'être sauvé? Évidemment, si l'homme n'a qu'à croire dans le Christ, à être baptisé par une secte quelconque, alors pourquoi être son seul maître? Autre chose aussi, et c'est ce qui dynamise beaucoup la spiritualité évolutive chez l'humain, même celui qui croit qu'en se remettant d'entre les mains du Christ, il reste un problème fondamental, quelle secte ou quelle religion a le Christ? Alors que tu te remettes dans le Christ chez les Mormons, les témoins de Jéhovah vont te dire que tu manques ton coup. Si tu te remets dans le Christ chez les témoins de Jéhovah, alors les catholiques vont te dire que tu manques ton coup. Et on peut continuer comme ça. Alors ce qui fait que le problème n'est pas de savoir dans les mains de qui on doit se remettre, mais qui a l'autorité de tendre les mains au nom du Christ. Ça, c'est le problème de l'homme, de la femme et de l'enfant d'aujourd'hui, à l'échelle nord planétaire, évidemment, parce que si on va dans les pays sous-développés, le problème ne se pose pas. La religion ou la secte qui vient s'établir s'impose par elle-même, et ce n'est pas long que les personnes n'ont pas le problème de nos personnages aujourd'hui, de notre peuple d'aujourd'hui. Ils sont convaincus d'être sauvés. Plus l'on connaît de religion, plus l'on connaît de secte, plus l'on connaît de traditionalistes ou de nouvellistes, plus il y a de problèmes qui se posent. Est-ce que nous sommes dans la bonne voie? Étant donné que la Bible parle de 144 800 quelques élus, eh bien, l'humain se dit 144 000 sur 4 milliards, il faut que je frappe à la bonne porte, parce que sinon je n'entrerai pas dans le ciel. Alors, frapper à la bonne porte, pouvons-nous réellement, consciemment envisager que les divinités, ou que la divinité, ou que le Créateur, ou que Dieu, appelez ça comme vous voulez, est partout et en même temps derrière une porte, c'est-à-dire limité dans les murs psychologiques, les murs mentaux ou les murs matériels d'une secte, d'une religion, d'une organisation traditionnelle ou neuve. Alors, si l'être humain a la faculté de savoir, de connaître le bien et le mal, tel qu'enseigné, sans élaboration dans les livres antiques, alors pourquoi la question est-elle si cruciale chez l'homme? Suis-je dans la bonne voie? Si l'être humain recherche et si l'être humain magazine, si les sectes pullulent à ce point, c'est que l'être humain n'a pas la faculté de discerner s'il est sur le bon chemin ou non. Alors comment un Dieu peut-il punir des humains qui passent leur vie à changer de religion, à changer de chemise, à changer de crucifix, à lire, à s'instruire, à dépenser une grosse partie de leurs argent, donc de leur temps et de leur vie, en recherche, en cours, en livres? Et comment ce Dieu peut-il les maudire à la fin des temps? Parce que ces personnes n'ont pas lu les bons livres, ils se trouvent, n'ont pas frappé à la bonne porte, ils se trouvent. Comment? Alors les chrétiens vont dire, oui, mais tu n'as qu'à avoir la foi. C'est ce que les Mormons disent, ce que les témoins de Jéhovah disent, ce que Krishna dit, c'est ce que toutes les sectes disent, ce que le renouveau charismatique dit, c'est ce que tout le monde dit. Alors ça ne règle pas le problème. Alors les prêtres vont dire, ou les personnes qui veulent convertir vont dire, oui, mais c'est facile. Observe-nous et tu verras. Ils disent tout ça. Nous sommes différents. Ils disent tout ça. Nous avons la vraie foi. Ils disent tout ça. Nous sommes traditionnalistes. Nous faisons comme il a été enseigné à l'aube des temps. Mais il y a beaucoup de choses à l'aube des temps. On a une loi qui porte le nom de loi du talion. On a plusieurs choses à l'aube des temps qui sont présentement appliquées par les musulmans, par ceux qui sont le centre et le foyer mondial du terrorisme. Ils appliquent à la lettre la tradition. Alors évidemment, nos traditionnalistes vont dire, oui, mais eux, ce n'est pas pareil. Ils parlent d'Allah. Ils parlent de Mahomet. Ils parlent de l'islam. Ils parlent de d'autres choses. Ils parlent de la tradition, sans changer un iota de la lettre. Il y a le même danger dans notre tradition. Alors, nos traditionalistes adaptent quand même, mais moins que ceux qui veulent être de la nouvelle vague, de la nouvelle ère. Alors, encore une fois, le problème de l'homme n'est pas résolu. Même si tu dois te remettre entre les mains du Christ, quelle maison le Christ a choisi? Alors, on parle du peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu est maintenant disséminé sur la planète, et on a tous un peu de sang de ce peuple de Dieu. Et le Nazaréen est rejeté catégoriquement par ce peuple de Dieu, par la religion juive. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Alors, on est encore mal pris. On a fait venir chez nous pour nous éclairer les religions orientales. On a fait venir le Zen, on a fait venir le Yoga, on a fait venir le Tai Chi Chuan, on a fait venir la réincarnation, on a fait venir plusieurs choses. Est-ce que ça a solutionné les choses? Non. L'humain achète de plus en plus. L'humain veut de plus en plus savoir, connaître. Alors, on a des librairies ésotériques. On a maintenant des rayons ésotériques dans toutes les librairies traditionnalistes. On a des émissions de télévision, on a des émissions de radio et on a des conférences. Alors, l'homme veut savoir. La question qui lui revient à un moment donné, c'est alors, comment savoir? Un tel dit ceci, un tel dit cela, un autre dit ceci, un autre dit cela. Comment? Un jour, un bonhomme a écrit que si un jour vous rencontrez un maître ou un sage, il est réellement maître ou sage que s'il vous conduit à votre porte de sagesse. ou à la porte de votre maison, et non pas à la sienne. Cela veut dire qu'un vrai maître ou un vrai sage passe plus de temps à décrocher le monde qui lui grimpe sur le dos qu'à en chercher, qu'à en ramasser. Celui qui a pour fonction ou celui qui se donne pour mission de sauver une partie ou l'humanité entière est une personne qui bien souvent manque d'amour, une personne qui bien souvent n'est pas capable de supporter seule le poids de son contact ou le poids de son savoir. Et elle doit le partager aux autres parce que sinon, elle deviendrait folle. Mais les personnes qui sont nourries par ses maîtres ou par ses guides ou par ses gourous ou par ses prêtres ne savent jamais non plus s'ils font bien ou non. Alors un jour, dans l'Antiquité, on a inventé deux mots massifs qui ont assommé l'humain et qui ont apparemment soulagé le problème pour en réalité l'aggraver. Foi aveugle. Vous devez avoir une foi aveugle et vous verrez la fin de vos problèmes. Plus vous serez con, moins vous souffrirez. C'est ça, la foi aveugle. Cela veut dire que celui qui est chez les témoins de Jéhovah, je ne parle pas contre les témoins de Jéhovah, je parle du disciple qui ne sait pas ce qu'il fait là. Celui qui a la foi aveugle ne veut rien savoir. Si un jour vous lui dites « As-tu pensé que peut-être tu pourrais te tromper? » Il tire sa Bible en pleine face. Non. Satan, l'atmosphère. Alors la foi aveugle, elle est le privilège de l'homme qui accepte de ne rien comprendre, qui accepte de ne pas comprendre et qui accepte surtout de ne jamais entrevoir la possibilité qu'il se trompe. Et ça, la foi aveugle. Alors, on se retrouve avec une humanité divisée dans plusieurs nations spirituelles où chacun sait aveuglément que lui a raison et que les autres ont tort. Alors, pour les personnes qui sont ici ce soir, vous êtes évidemment des personnes qui recherchaient. Alors, encore une fois, le problème n'est pas résolu. Ils ont tous raison. Alors, nous sommes d'accord pour dire qu'ils disent qu'ils ont tous raison. Mais ont-ils tous tort? Si l'on regarde cette évolution du point de vue cosmique, effectivement, ils ont tous raison. Si l'on regarde leur point de vue humain du point de vue cosmique, effectivement, ils ont tous tort. Pourquoi ils ont tous tort en ayant raison? C'est que de toute façon, le chemin qu'ils suivent va les conduire là où ils doivent aller. Donc, ils ont raison. Là où ils ont tort, c'est lorsqu'ils disent que les chemins des autres ne sont pas les bons chemins. Ils se prennent au sérieux. Ils décident au nom de Dieu qu'ils sont les élus. Comment pouvons-nous envisager 144 000, disons, pour parler, prendre les chiffres de la Bible, élus à travers au-delà d'un milliard de chrétiens? Comment envisager les 144 000 élus au-delà de plus d'un million de témoins de Jéhovah? Comment les religions peuvent-elles s'arranger pour continuer à accumuler des disciples alors qu'elles dépassent déjà le nombre d'élus, tout en promettant toujours qu'ils vont être dans les élus? Alors, au cœur même de toutes les religions, naît d'autres conflits. Et c'est pourquoi les sectes apparaissent. Nous sommes un million, il y a du monde de trop. Qui? Alors, une personne, à un moment donné, qui est illuminée soit par un contact astral, un contact avec le monde des morts, un contact avec le ciel, soit un contact avec elle-même, finit par envisager la possibilité que l'Église, ou que son Église, ou que sa secte, ne suit pas le bon chemin. Et on a une multiplication des sectes. La question, pourquoi être son seul maître, prend donc toute son ampleur. Évidemment, l'humain ne saura pas plus qui ou quoi adopter. L'homme normal est passé maître plutôt dans l'art d'être esclave, esclave de lui-même, puis aussi des autres, ou rend les autres esclaves. Pourquoi? Bon. Effectivement, l'homme est un maître esclave. Pour essayer de comprendre la phénoménologie de ce qui anime l'évolution de l'homme aujourd'hui, faut à peu près chaque fois retourner un peu dans le passé. Non pas que dans le passé, on va chercher la tradition pour appuyer ce que l'on fait aujourd'hui. La tradition, on n'a rien à faire avec. Elle est utile de temps en temps, elle est nuisible d'un autre moment donné. L'homme est un maître esclave pour la simple raison que l'être humain est un homme, est un être, pardon, créateur. C'est-à-dire qu'il est un être qui, sur le plan planétaire, dans la limite extrême de sa conscience, a la faculté de créer des choses. C'est l'homme qui a créé la guerre. C'est l'homme aussi qui a créé la paix. C'est l'homme qui a créé un paquet de choses dans lesquelles nous vivons. Mais l'homme a créé autre chose. L'homme a créé toute une panoplie de phénomènes qui sont mémorisés dans le monde des morts. L'homme a créé pour pouvoir se retrouver lui-même et en même temps pour pouvoir se confronter à plus faible. L'homme a créé le collectivisme. L'homme a créé les égrégores. L'homme a créé le ciel. Le ciel n'a pas été créé. La terre et le ciel ont été créés en même temps. Et lorsque l'homme a été placé, à l'instant où le premier être humain est mort, on avait le premier être humain dans le ciel. À partir du processus de digestion, ce qu'on appelle dans la religion catholique romaine le purgatoire, de tous les âmes qui pénètrent le ciel, on a accès à des phénomènes de restructuration d'humains évolutifs, et par le processus d'une réincarnation pluralitaire, l'humanité continue son évolution dans le cadre d'un phénomène matériel. L'homme est le maître esclave, pourquoi? Parce que l'humain a toujours voulu se confronter. Si dans l'antique religion on parle de Lucifer, jamais on ne parle de Satan. On parle de Satan après la création de l'homme. On parle de Lucifer avant la création de l'homme. Satan est la création de l'homme. L'être humain crée souvent des peurs. L'homme dynamise des peurs, pense à des peurs, a peur de certaines choses. Et après des millions d'années de religion vers ces choses épeurantes, vers ce phénomène satanique, pour le confronter à l'évolution yavique du ciel, l'homme commence à prier les forces sataniques. Pourquoi l'homme a-t-il inventé la mécanicité satanique? Pour la simple raison que, premièrement, chez l'homme, il existe une phase involutive qui amène l'homme à devenir animal. Non pas animal d'une façon structurale, c'est-à-dire tel que Darwin le conçoit, mais animal d'une façon psychologique, c'est-à-dire que l'être humain devient pire que l'animal. Parce que lorsque l'homme devient animal, il est pire que l'animal. Il fait des choses que les animaux ne font pas. À partir de cet instant, l'humain a considéré qu'effectivement, chez lui existait un potentiel d'inharmonie. Et dans toutes les religions, on instaure les forces sataniques, les forces... Parce que Lucifer, c'est une chose, c'est un être de lumière déchu, c'est une chose. Mais lorsque l'on invoque ou lorsque l'on crée la phénoménologie des forces du mal, et Lucifer ne fait pas partie des forces du mal, Lucifer n'est pas en enfer, Satan est le roi. Satan, dans l'antique religion, est décrit comme étant le prince de ce monde. Oui, nous avons créé des forces extrêmement dangereuses que nous avons placées dans le monde des morts, dans le plan parallèle qui porte aussi le nom d'astral ou de ciel. Le ciel est divisé en enfer et en paradis. Nous avons créé des choses, et ces forces sont devenues tellement puissantes parce que nous les avons suffisamment nourries qu'à un moment donné, l'homme se met à genoux devant ce qu'il a créé et implore les forces du mal de le laisser en paix. Pour pouvoir résister contre les forces du mal, l'homme va créer à son image toute une panoplie de divinités. L'homme va emplir le ciel de son propre ego divinisé. L'homme va créer les dieux et par la suite créer le Dieu. Maintenant, il faut bien comprendre que le Dieu unique qui anime aujourd'hui le monde spirituel n'est pas un dieu unique. On le retrouve sous différents noms, dans différentes religions, et tous les unes par rapport aux autres essaient de convertir les uns par rapport aux autres. Il y a toujours du polythéisme à l'échelle planétaire. Dans la conscience de l'homme, il existe le monothéisme. Mais lorsque Moïse a instauré le monothéisme dans la conscience de ses fidèles ou de ses disciples, il a instauré cette conscience monothéiste dans l'homme. Mais il n'a pas réussi à l'instaurer dans la collectivité humaine. Alors on a toujours Allah, on a toujours Mahomet, on a toujours Dieu, on a toujours Jéhovah, on a toujours Yahvé, et on pourrait en nommer un bon paquet. On reste polythéiste au niveau planétaire. Il existe évidemment l'homme. Lorsque je parle de Dieu qui est créé par l'humain, l'homme me dit, oui, mais qui a créé l'homme? Qui a créé? Il a fallu qu'il y ait un début. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Regardez ceci. Vous allez faire ceci. Vous allez essayer d'envisager ce qu'est l'électron et ce qu'est l'atome. Vous avez vu des atomes et des électrons dans des livres et à la télévision. On parle de noyaux et on parle de petites particules qui tournent en orbite autour à différents niveaux. L'atome. Tout le monde connaît l'atome. Mais savez-vous que les savants n'ont jamais vu d'atome? Ils n'ont même jamais vu d'électrons. Ils ont vu la trace des électrons dans les cyclotrons. Ils n'ont jamais vu ni atome ni électron. Et pourtant, tout le monde a l'image de ce qu'est l'atome et l'électron. Alors, l'homme a créé cette image. Elle explique présentement la science. Elle explique présentement la physique. Et tout le monde est d'accord pour dire c'est un atome. Il y a des électrons, il y a un noyau, il y a des protons. Mais la science n'a jamais vu d'atome. Jamais. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que l'atomicité est un phénomène existentiel. Ça existe. C'est là. Comment ça se fait alors qu'on a de la matière? Il y a des atomes qui constituent les molécules, qui constituent les corps. Ça, ça va. Mais de là à dire que l'atome est constitué de telle façon et qu'il va réagir de telle façon, ça marche. Jusqu'au jour où on se trompe. Et jusqu'au jour où on va se tromper. Pourquoi les réacteurs ont eu des fuites? Pourquoi Tchernobyl a existé? Pourquoi Three Mile Island a existé? Pourquoi un paquet de phénomènes qu'on ne connaît pas et qu'on commence à connaître existe? Pourquoi on a des problèmes avec les détritus nucléaires? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ces choses, on ne peut pas les connaître parce qu'on essaie de les connaître à partir de l'image que l'on s'est créée de l'atome. Et cette image de l'atome n'est absolument pas à l'image de la réalité atomique. Elle a servi l'homme dans sa théorie, dans sa spéculation nucléaire, pour lui permettre d'avancer un peu sa science. Mais à un moment donné, il faudra que l'homme abandonne cette idée de l'atome pour la restructurer d'une nouvelle façon. Le phénomène de la création ou de la création de notre univers ou de l'homme existe. Si vous voulez appeler cela Dieu, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que chaque humain a personnifié Dieu. Le problème, c'est que chaque humain a paramétré Dieu. Il l'a dessiné dans sa tête, dans son cœur, en image, en son, en odeur, en émotion, en jouissance ou en plénitude. Le problème, c'est que l'homme a limité Dieu dans la conscience de l'homme. Alors, automatiquement, ce que l'homme veut atteindre n'est déjà plus cette divinité. Ce que l'homme veut prier n'est déjà plus cette divinité. L'homme prie de l'atome, l'homme prie l'image de l'atome, l'homme dessine des peintures d'atomes et l'homme dit c'est l'atome, alors qu'en réalité, ce n'est pas l'atome. Et étant donné que les savants vont un peu plus vite que la science spirituelle, les savants commencent à découvrir le danger de continuer à croire que l'atome est basé et construit comme ils l'ont dessiné. C'est le même phénomène pour l'homme. Il faudra que l'homme un jour comprenne que ce qu'il croit être, ce Dieu est une création de lui. Ça ne change rien à la divinité qui aurait pu créer le monde, ou créer même l'univers, ou même les univers. Ça ne change rien. La chose est certaine, c'est que l'image que l'homme a de ce Dieu est une image bien terrienne, bien terrestrifiée, bien planétarisée, qui n'a pas la faculté d'englober l'infini. Il n'y a personne sur le plan planétaire qui est capable de concevoir Dieu infini. Il le conçoit toujours fini. Alors l'homme va dire, oui, mais c'est normal, la conscience de l'homme, elle est finie. Alors si la conscience de l'homme, elle est finie, finissez donc d'inventer dans votre tête ou dans votre cœur des dieux infinis. Cela revient toujours à la même chose. Pourquoi être son seul maître? Parce que tout ce que les humains peuvent nous amener comme vision de Dieu, comme conceptualisation de Dieu, ne peut faire autrement que d'être faux. Alors, on repose la question du début, comment choisir la religion? Se remettre d'entre les mains du Christ et se faire baptiser, tel est le salut. Le Christ habite quelle secte, quelle religion, quelle maison? Quel genre de baptême dois-je avoir? Un peu d'eau bénite sur le front ou de l'eau chlorifiée, plus ou moins bénite, dans une piscine de stade olympique? Ou bien si je dois avoir un baptême d'eau de source, d'eau distillée? Ça va venir. Comment fonctionner? Alors, si vous essayez de vous prendre en main, prenons l'exemple, bien bénéfique et bien facile à comprendre, de l'homme ou de la femme qui, à un moment donné, se pose la question, est-ce que j'ai le droit de ne pas savoir? Au niveau cosmique, Est-ce que l'homme a le droit de ne pas savoir? Mais la réponse cosmique, c'est que l'homme ne sait pas. Donc, s'il ne sait pas, il a le droit de ne pas savoir. Au niveau de l'humain, posez-vous la question, avez-vous le droit d'hésiter? Avez-vous le droit de vous demander, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je n'ai pas bien fait? Avez-vous le droit de vous dire, je filais bien dans cette religion ou dans cette secte ou dans ce temple, mais maintenant on dirait que j'ai dépassé. Avez-vous le droit de vous dire cela sans vous sentir coupable? De complexe de supériorité. Avez-vous le droit de dire un jour, ça ne me suffit pas? Avez-vous le droit de ne pas entendre la parole venant de la bouche de n'importe qui? Avez-vous le droit d'être confondu entre une religion, une tradition et une autre? Avez-vous le droit de ne pas savoir? Posez-vous la question. Et vous saurez que la réponse est oui. Vous avez le droit de ne pas savoir. Parce que sinon, vous sauriez. Si vous êtes le créateur, aussi imparfait que vous voulez l'être, vous créez trois bibittes. Vous les placez dans une espèce de vivarium extrêmement voilé. Ils ne peuvent pas vous voir. Vous placez un petit peu de lumière, un petit peu de chaleur, un petit peu de nourriture qui tombe. Vous en faites pousser un peu et vous ouvrez l'eau, ça coule. Il y a la vie là-dedans. Ces trois bibittes ont la possibilité d'avoir la conscience de leur vie. Donc, automatiquement, ils chercheront leur créateur. Alors, vous allez dire, crime seul, l'homme a l'écrasé, sacrableux, elle pense que c'est la lumière qui l'a créé. Faut-tu être maudit? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, vous allez gratter. Lentement, ce qui empêche la bébite de vous voir pour vous montrer la face. Mais quand la bébite va te voir votre face, ça voit juste le nez. Elle va s'imaginer quoi du créateur? Et puis là, vous allez dire, hey, es-tu niaiseuse, elle a pris mon nez. Alors, un jour, vous placez un œil dans le trou, pas votre nez. Et c'est un autre bébite qui voit l'œil. Alors, il se dit, c'est pas le nez, c'est l'œil, je le savais. Deux religions. Ils sont prêts à s'entretuer. Oh, les deux prient le même Dieu, mais les deux n'ont aucune idée de ce que c'est que Dieu. Alors, à un moment donné, vous allez accoter votre bouche pour leur parler. Le troisième bébite va voir la bouche. Il va dire, hey, sont-tu? Ça ressemble-tu à un œil? Ça ressemble-tu à un nez? Ben non, c'est une bouche. Mais les deux autres bébites étaient occupées à adorer leur nez et leurs yeux, ils n'ont pas vu la bouche. Alors, on a maintenant une autre religion, une autre secte, et il y aura évidemment des conflits. Mais allez-vous maudire et écraser votre création pour la simple raison qu'ils ne savent pas? Vous allez vous dire, moi je les ai créés, puis si tout d'un coup l'étincelle, paf, pouf, il sait tout, lui il est sauvé. Tandis que les autres, ça vaut pas à peine qu'on les sauve. Ben donne, vous allez leur donner la possibilité de savoir, vous allez ouvrir la cage, vous allez rentrer votre tête de complet là-dedans, vous allez leur parler. Sauf si vous savez très bien qu'en ouvrant cela, l'horreur de votre vision par rapport à l'étendue de votre corps, l'immensité de ce que vous êtes, va carrément les tuer. Alors vous ne le faites pas. Alors vous allez dire, pourquoi avoir mis un couvercle d'abord pour leur création? S'ils seraient venus au monde en me voyant, il n'y aurait pas eu peur. Oui, mais s'il fallait qu'on les incube, fallait qu'on mette leurs conditions de naissance dans une forme d'incubateur, fallait que ce soit fermé. Pour que ça naisse, pour que ça germe. Ben, il y a un problème. Il faudra que lentement on gratte un œil, lentement on gratte une bouche, lentement, lentement, pas trop vite. Pas trop vite et lentement, ces bébites vont finir par s'habituer à la réalité de Dieu. Mais en attendant, l'une va dire, « Ne regardez pas la bouche, c'est le diable, c'est Satan. Regardez le nez. Par le nez, vous respirez, etc., etc. » Puis là, on s'illusionne, on n'inventait pas quelque chose. L'autre va dire, « Regardez l'œil, c'est l'œil qui fait voir. » L'autre va dire, « Regardez la bouche qui parle. » Les trois ont raison, les trois ont tort. C'est le problème de l'homme. Alors, une quatrième bébite vient au monde du mélange des trois bébites. Et cette quatrième bébite va dire, ne me parlez pas des oreilles, ne me parlez pas de la bouche, laissez-moi donc en paix. Toi, tu ne savais pas et soudainement tu as vu le nez. Toi, tu ne savais pas et soudainement tu as vu l'œil. Toi, tu ne savais pas et soudainement tu as vu la bouche. Moi, je ne sais pas et laissez-moi moi aussi voir ma chose. Ne venez pas m'interdire à ma naissance de voir autre chose. Parce que si vous avez mal vu, sans jamais avoir vu, j'aurais moi aussi mal vu. Alors ne me parlez de rien. Je veux vivre. Je veux être mon seul maître. Je ne dis pas que le nez, c'est faux. Je ne dis pas que l'œil, c'est faux. Je ne dis pas que la bouche, c'est faux. Je ne dis rien. Je dis, laissez-moi être mon seul maître. Ne venez pas m'instruire de ce que Dieu vous a dit. Parce que si Dieu un jour l'a dit à l'homme, Dieu le répétera à l'homme. Alors la bouche va dire, oui, mais tout est écrit ici. Dieu le répétera pas. C'est dedans. C'est même écrit dedans qu'il le répétera pas. C'est ce que le nez dit, puis c'est ce que l'œil dit. Alors moi, je dis que je ne suis pas prêt à passer ma vie pour un Dieu qui va m'écraser parce qu'il ne m'a pas donné la possibilité de savoir et parce que je n'ai pas su. Qu'est-ce qu'être maître? La bébite qui devient son seul maître n'est pas le maître du Créateur. Elle n'est même pas le maître des trois autres bébites. Elle est plus légère, devenir son maître. Cela, je le répète depuis 3 ans que je suis en conférence ici. Semaine après semaine, vous devez être suffisamment adulte. Et quand je parle d'adulte, je ne parle pas de la foire d'adulte. Disons, vous devez être suffisamment vous-même pour arriver à savoir de par vous-même si une chose est cela ou non. Mais lorsque vous savez de par vous-même si cette chose, elle est réelle, sachez que vous ne le savez que pour vous-même, pas pour les autres. Celui qui a vu l'œil, c'est le devoir le battre, inventer la construction parfaite pour le forcer à dire que l'œil était la bouche. Vous avez une conscience évoluée qui est entaché de la conscience de la tradition, qui est entaché par le passé et qui est relié à la conscience collective, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous assumer vous-même parce que vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous. Devenir son maître, cela veut dire que ça n'a plus d'importance que les autres soient ou non d'accord, et on n'a pas besoin, donc, de les convertir, parce que lorsque l'on veut convertir, c'est que l'on veut avoir de plus en plus de gens d'accord avec nous. Alors, on ne va pas convertir. Devenir son seul maître ne veut pas dire que vous vous enfermez dans votre garde-robe à jamais. Ça paraît comique, mais il y a des places dans le monde où on s'enferme dans des ashrams. Alors avec le mot ashram, on dit « Ah oui, mais c'est plus normal. » Ben, c'est une espèce de chiotte en pierre avec presque rien à bouffer. Nos excréments sont brassés un peu là-dedans pour nettoyer tant peu que tant, enfin, le mieux qu'on peut. Il n'y a pas d'air, pas de lumière, et on passe 9 ans peut-être 21 ans là-dedans. C'est encore mieux un garde-robe. Être son seul maître ne veut pas dire fuir les autres. Parce que si vous fuyez les autres, vous n'êtes pas vos seuls maîtres. Vous avez tellement peur d'être converti par l'opinion des nôtres, par la réaction réelle des nôtres, par la relation avec un autre, que vous fuyez les autres. Je donne l'exemple d'une personne qui ne veut pas me rencontrer moi, parce qu'elle dit « Ah oui, mais lui, il a toujours raison. » Puis après, si moi j'ai toujours raison pour moi, ça ne veut pas dire que j'ai raison pour l'autre. Et si l'autre a peur de ne plus savoir après m'avoir rencontré, si moi je suis plus puissant que sa foi, c'est que sa foi ne vaut rien. C'est évident. Alors, lorsque le témoin de Jéhovah ne veut pas rencontrer le catholique pour jaser, lorsque la religion juive ne veut pas rencontrer autour d'une même table la religion catholique pour régler les problèmes de notre humanité, lorsque toutes les religions, les sectes, les écoles ne veulent pas s'unir à la même table, dans une alliance commune, pour essayer de régler les problèmes de l'humanité, selon l'humanité. Parce que les religions, les sectes, les écoles veulent régler les problèmes de l'humanité selon leur propre barème. Et moi, je dis, pourquoi ils ne veulent pas se réunir dans une alliance commune pour régler les problèmes de l'humanité selon les barèmes de l'humanité, selon les besoins de chacun? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas leur seul maître et parce qu'ils ont peur d'être confrontés. Ils ont raison et ils ne veulent jamais avoir tort. Parce qu'ils sont trop orgueilleux. Parce qu'ils se prennent tellement au sérieux qu'ils ne pourront pas admettre dans leur propre ego, dans leur faible intérieur, que pendant 10 ans, 40 ans, je voyais mal. Mais lorsqu'une personne se remet en question, elle ne doit pas se dire « Merde, je suis con, pendant 20 ans, j'étais con ». Elle peut maintenant voir plus clair. Alors elle est loin d'être conne. Lequel est plus con? Celui qui pendant 80 ans voit mal et meurt sans l'avoir su, fier d'avoir toujours bien vu? Ou celui qui, après 60 ans, découvre que peut-être il y a quelque chose de neuf à rajouter à ce qu'il voyait? Celui qui meurt sans jamais le savoir ne saura pas, tandis que l'autre qui vient de voir peut se traiter de con. Mais lequel des deux est le moins con? Ni un ni l'autre. Lequel des deux le plus con? Ni un ni l'autre. Il n'y a pas de conneries dans l'évolution. Celui qui ne pouvait pas voir ne voyait que ce qu'il pouvait voir. Celui qui, à un moment donné, peut voir mieux, voit mieux. Mais l'humain qui ne veut pas être son seul maître refuse continuellement la nouveauté. Il en a peur. Il attend que Dieu vienne sans même le connaître. Alors il va être le premier à sauter dans le visage de Dieu pour le déformer. Dieu a deux nez, tiens, paf! Dieu a un œil, paf, un œil de moins! Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu de la barbe, Dieu pas de barbe! On ne peut pas fonctionner comme ça. Être son seul maître, ça veut dire que lorsque Dieu viendra, fermez-vous la boîte, moi j'observerai, moi je contemplerai, et moi je déciderai. C'est ça que ça veut dire être son seul maître. Ça veut dire que vous allez dans le temple de Krishna, et ce qui a de l'intelligence là-dedans, vous le prenez. C'est tout. Vous allez ailleurs, vous allez ailleurs, vous allez ailleurs, vous allez ailleurs, vous allez ailleurs, et vous vous formez, vous. Est-ce que l'homme a le droit de ne pas savoir? Que vous soyez encadré dans les paramètres sécurisants d'une religion organisée, vous ne savez pas plus. Pensez-vous que Dieu va dire, ces fidèles ici sont dans la bonne église, c'est les seuls, je les sauve. Mais Dieu, s'il dit ça, il ne demandera jamais à quelqu'un, qu'est-ce qui a fait que tu étais rentré là-dedans? La personne me répond, je l'ai fait pas mal avant, puis j'ai abouti là, puis la fin du monde est arrivée quand j'étais dedans. Fait que je suis dedans. T'es un élu. Au moins, c'est ma femme. Alors moi, je suis venu au monde là-dedans, mes parents m'ont toujours chicané, car un élu. Parce que la majorité de ceux qui sont dans une religion ne savent pas pourquoi ils y sont. Ils y sont parce qu'ils espèrent être à la bonne place. Pas une raison intelligente. Toute leur vie, ils souffrent du doute. Et toute leur vie, ils ne peuvent pas. Ils s'imaginaient que c'est normal pour l'humain de ne pas savoir tout. Ils ne peuvent pas. Avoir la foi. Mais pourquoi avoir la foi là, plutôt que là, plutôt que là, plutôt que là? Alors, ils vont tous tendre la main et ils vont tous dire que le Christ vous attend. Ça devient complexe. Et là, lorsque l'on dit l'enfant de 3 ans qui est mort avant de décider, on peut s'arranger pour l'enfant de 3 ans. Il était pur, il était sans tâche, Dieu le prend pareil. Alors l'enfant de quelqu'un qui n'est pas de notre secte, Dieu le prend-il? Il est aussi sans tâche, aussi pur, aussi cela. Ah, ce n'est pas pareil! Mais non, parce qu'il faut que tu forces les adultes à rentrer. Alors j'ai dit une seule chose. Moi, je ne suis pas une religion. Je ne suis pas non plus un gourou. Je suis simplement un orateur qui parle et qui est payé pour parler. Bon, voilà, ça règle le problème. Je n'ai pas de mission particulière. J'ai mes raisons intelligentes, mais ce n'est pas des missions. Par contre, plus il y aura d'êtres humains qui se prendront en main, plus l'humanité, et plus la société, plus vous autres, individuellement, vous allez cesser de souffrir. Cessant de souffrir, une chose est certaine, c'est que vous allez cesser de nourrir ce qui vous fait peur. Ce que la religion appelle les forces sataniques, ou le mal. On ne va pas au ciel avec un sac 3000 kilos d'angoisse. Imaginez-vous que ça peut ressembler le ciel présentement. On a 82 portes, on a 82 morts, qui sont de 82 religions ou ethnies spirituelles différentes, sont toutes à la porte en se regardant. Moi, je suis là. C'est qui qui a gagné le jackpot? C'est qui? Et puis, il y en a un qui rentre. Si j'avais su. Mais oui, mais vous ne savez pas. C'est bien évident que si vous sauriez, vous seriez tout là-bas, en ligne pour entrer. Si vous aviez su, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, comment pouvez-vous être sûr que celui qui vous dirige le sait? Comment? Si vous ne savez pas, comment être sûr qu'un livre traditionnel que vous lisez, que vous suivez le sait? Le livre apporte de bonnes choses. Mettez-les en pratique. Méditez pas dessus, mettez-les en pratique. Mais chaque livre amène des bonnes choses. Parce que l'intelligence créatrice a été suffisamment fine pour ne pas s'exprimer dans un seul livre, mais dans un maudit paquet de livres, par la plume d'un maudit paquet de personnes, à travers tous les temps, pas juste dans le passé. Pourquoi être son seul maître? Parce que quand vous serez devant la porte au ciel, vous aurez la possibilité de dire, il y en a un qui rentre, « Ah! Je m'en vais là! » Ah, vous n'avez pas changé de porte! Les traditionnalistes vont continuer à espérer, ils vont dire, c'est peut-être l'enfer là-bas, c'est le purgatoire là-bas, c'est... Celui qui est son seul maître n'est pas assujetti au collectivisme. Il n'est pas assujetti à la tradition. Il décide de par lui-même. Alors, il peut changer de religion 20 fois dans la même journée. Parce qu'il devient agent libre. Il n'a plus d'impressario auprès de Dieu. Il est bon. Celui qui change 2 fois dans sa vie, Dieu lui pardonne. Celui qui hésite 4 fois dans la même journée, Dieu lui pardonne. Alors, vous pouvez passer votre vie, hésiter, ça ne changera rien. Les pharaons de l'époque, les Romains, il y a 2 Romains crucifiés en même temps que le Nazaréen. Il y en a un qui a fait un paquet de quadrilles tout au long de sa vie. Puis rendu à l'heure de sa mort. Mais sachez que même après la mort, ça se fait. Mais dans la Bible, on parle de l'heure de sa mort. Alors là, il reconnaît. Pas parce qu'on l'a instruit. On lui a dit que le Nazaréen était un... On lui a dit, c'était quoi la religion? On l'a instruit, lui, avec des religions barbares de l'époque. Mais sur la croix, il reconnaît. Il est son seul maître au niveau spirituel. Alors, il a fait 1 milliard de conneries sur la vie, dans sa vie. Il a tué, il a volé, il a tout fait. Et soudainement, il reconnaît l'autorité, pas parce qu'on le lui dit. Il ne sait même pas. Il sait que c'est le roi des Juifs, un roi imbécile et déchu avec une couronne d'épines, à moitié nu saignant, sans armée. C'est ça qu'il sait. Mais malgré ce savoir qui sait, il reconnaît l'autorité christique ou l'autorité supramentale, l'autorité divine de l'autre. Alors, il change de religion. Comme ça. Il dit, oui, là, je le sais. Alors, l'autre, il lui dit, ben, t'as une porte d'ouverte. Mais ça va de soi. Quand le temps est venu, le temps est venu. Les portes s'ouvrent tout seul. Être son seul maître, cela veut dire se prendre en main. Cela veut dire venir m'écouter ce soir. Et cela veut dire que tout ce que je dis qui ne vibre pas, eh bien, on ne dit pas. Peut-être que c'est ça. On l'oublie. C'est tout. Quand vous en aurez besoin, c'est la réalité, ça va revenir. Si c'est pas la réalité, ça reviendra pas. Vous vous cassez pas la tête. Et ce qui va, ben vous le gardez. Pourquoi ça va? Parce que vous allez l'analyser. Parce que je n'ai pas l'autorité du prêtre. Alors je ne peux donc pas vous convertir. Et je ne veux pas vous convertir. C'est pourquoi je n'ai pas l'autorité du prêtre. Je suis moi, et je parle en mon nom. Je suis mon seul maître. Étant mon seul maître, cela veut dire que... Est-ce que cela veut dire que tout ce que je perçois, je le refuse? Ça n'a rien à voir. Vous décidez maintenant de par vous-même. Alors, vous êtes catholique romain et vous lisez le Coran. Parce que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Vous voulez lire. Vous savez que c'est un peu de l'interprétation, il y a des traductions, mais ça ne vous empêche pas de lire. Pour limiter l'homme, certaines sectes disent, tu as la Bible... et détruit le reste. Le reste, c'est Satan. Et pas n'importe quelle Bible, la nôtre, elle est l'authentique. Soyez votre seul maître. Je te laisse poser quelques questions. Je te vois l'élève qui... Oui. Et y a-t-il des grands maîtres? Oui, effectivement, on en a un qui mesurait. Il était assez grand. Disons des maîtres vastes dans leur conscience. Des grands maîtres. J'ai déjà fait quelques conférences sur les grands maîtres. Il y a effectivement des grands maîtres. On a ici une panoplie de grands maîtres. On a des grands maîtres qui sont qui vivent énergétiquement dans des régions focalisées du plan planétaire, comme par exemple Shambhala ou Lagartha. L'un des deux centres, Shambhala entre autres, va à un moment donné générer le priori de Sion, qui va lentement générer la Deuxième Guerre mondiale et qui va générer plusieurs choses. On a des maîtres qui ont une idée fixe dans la caboche, c'est celle d'amener le plus de mal possible à l'échelle planétaire pour que l'âge de fer, le Kali Yuga, se finisse au plus maudit, de façon à ce que le millénium apparaisse au plus sacré. C'est une vision des choses. Au lieu de vivre plus ou moins mal pendant 3000 ans, alors on va faire une bonne apocalypse massive, et puis après, 15 ans après, on va s'en remettre, et puis le millénium arrive. Maintenant, ce n'est pas de l'avis des maîtres de Lagartha, qui eux, par contre, prévoient ou envisageraient plutôt qu'on devrait laisser à l'homme le temps de s'adapter mollo-mollo au millénium, même si ça prend encore 3000 ans. Alors, on a donc deux panoplies de maîtres qui s'organisent pour faire chacun leur chose. Les maîtres ont aussi la faculté assez originale de pouvoir, étant donné que ce sont des personnages qui sont dans le plan moronciel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du monde des morts, donc ils ne sont pas morts. À un moment donné, ils ont perdu leur corps, c'est-à-dire qu'ils ont éthérisé leur corps, un peu ce que le Nazaréen a fait lorsqu'il a eu son ascension vers la fin. Sauf que le Nazaréen a eu une ascension, tandis que les maîtres ont eu une transportation, ils n'ont pas eu d'ascension, ils sont restés à l'échelle planétaire. Alors les maîtres sont divisés en deux parties, les plus pressés et les plus patients. Le maître a une fonction particulière, celle d'élever le potentiel de compréhension énergétique de l'humanité dans son ensemble et de l'élever à un point summum où, à partir de ce point, le maître va tout faire pour bloquer l'évolution de l'humanité de façon à ce que l'humanité grossisse les rangs des maîtres. Grossissant les rangs des maîtres, cela donne une force incommensurable au maître et cela va permettre à ces maîtres de pouvoir entrer en contact réel avec le plan supramental bouddhique, c'est-à-dire avec les cieux, ce que les maîtres ne peuvent pas faire. Si on prend l'exemple du Christ, le Nazaréen, est-ce que c'est un maître? Non. Le Nazaréen, est-ce que c'est le maître des maîtres? Non plus. Le Nazaréen, il est tout à fait au-delà des maîtres. Il n'a jamais eu de temps à perdre avec les maîtres. Si on veut savoir lequel est le maître des maîtres, évidemment, c'est Lazare. Bon, le comte de Saint-Germain. Mais encore là, lui, s'est fait fourrer. Il a appris des choses, mais il y a eu une problématique à un moment donné. Alors, il est resté au niveau du plan planétaire. Et Saint-Germain dirige, évidemment, l'Agartha comme Shambhala, c'est-à-dire les forces du mal pour nous et les forces du bien pour nous. Lorsqu'un grand maître vient nous voir, on lui offre le café. S'il ne peut pas prendre de café, nous sommes supérieurs à lui. Alors, le grand maître doit donc aller se pratiquer dans l'Agartha de Shambhala, boire du café. S'il arrive et qu'il peut boire le café, on lui offre donc une tisane. Une tisane absolument dégueulasse. Cézanne pour l'envoyer aux toilettes. Purge. On a énormément de traditions présentement qui ont une fierté égoïque absolument incommensurable d'avoir 3 ou 4 ou 5 grands maîtres dans leur organisation. On peut en nommer, on en a même ici au Québec des organisations qui ont des grands maîtres. Ces grands maîtres sont extrêmement utiles pour l'humanité. Mais à un moment donné, l'humanité doit devenir son seul maître et continuer son chemin et ne pas attendre avec les maîtres du reste. Alors, ce qu'on va faire souvent, c'est que toi, tu évolues, et à un moment donné, cesse d'évoluer. Maintenant, ton rôle, ta mission est d'aider l'humanité, toi aussi. On fait de toi un maître. Le Nazaréen, on lui a offert d'être maître. Jamais il n'a voulu. Évidemment, on n'est pas sur la planète pour être un maître et sauver l'humanité. L'humanité se sauvera d'elle-même. L'humanité est présentement archétypée, elle est présentement omnibulée, elle est présentement ombragée. Mais ce n'est pas fou, l'humanité. Présentement, ça ignore. Ça vit dans la médiocrité parce que c'est convaincu, à cause des traditions, c'est convaincu que la tradition leur lègue est une réalité. Alors que c'est une coloration de réalité. Alors, il faut bien comprendre que les grands maîtres, ça existe. Les grands maîtres peuvent aider l'humanité, mais les grands maîtres n'ont rien à foutre au Québec. D'ailleurs, il n'y en a pas au Québec, même si des organismes disent qu'il y en a. Parce que j'ai déjà rencontré 3 organismes différents qui s'arrachaient le Nazaréen comme grand maître. Bon. Alors, ce n'est pas nécessaire. Les grands maîtres ont comme fonction de travailler avec l'humanité spirituelle décadente ou sont décadentes évolutivement ou involutives. Par exemple, les pays de l'Inde, les pays du Tibet, et où on va retrouver Shambhala. L'Agartha, par contre, se retrouve beaucoup plus au niveau du Québec. D'ailleurs, l'Agartha, il y a des maîtres en Agartha qui n'auront jamais la fonction. Ils sont bénéfiques, pacifiques, comme les autres, comme les maîtres de Shambhala. On pourrait presque dire que Lucifer, à un moment donné, n'a rien compris de ce qui se passait, puis il a voulu précipiter l'évolution de l'humanité, ce qui a créé l'apparition de la race de l'homme, relativement évoluée. Alors, on peut parler aussi des maîtres du Tibet qui ont cette volupté à vouloir avancer rapidement et ils créent évidemment toujours des contextes assez crispants, comme les apocalypses sont remis entre leurs mains. Les armées. Enfin, on pourrait parler longuement des maîtres. Une chose qui est certaine, c'est qu'on ne doit pas s'associer à un maître, ni à moi, ni à personne. On doit s'associer à soi. Ni même pas à ce qu'on a en mémoire chez soi. C'est-à-dire que vous ne devez pas savoir ce que vous vibrez avec moi en vous demandant, en fouillant dans vos mémoires. C'est de l'instantanéité. Le gars sur la croix, lorsqu'il a reconnu le Nazaréen, il n'a pas dit crime. Je me semble, quand tu parles des gars qui étaient, ils se promenaient à dos d'âne, puis. Non. L'instantanéité. S'il aurait eu ses mémoires avec lui, il aurait été au purgatoire, il serait ramassé un peu partout, à travers tout le cheminement de l'homme normal. Non, l'instantanéité. Il n'avait plus de mémoire. Il savait. Il en bavait. Alors, les grands maîtres, c'est le même phénomène, ça existe. J'ai fait une conférence sur les maîtres du monde à un moment donné, où on a parlé relativement des bienfaits et des dangers massifs. En ce qui me concerne, moi, il n'y a pas un seul grand maître qui veut venir me parler. Est-ce qu'il y a des gens qui sont leur seul maître? Peut-être oui. Le Nazaréen? Mais le Nazaréen était son seul maître, ça va de soi. Au niveau cosmique, le Nazaréen était relié à ce que lui appelait les cieux. Le premier palier des cieux est l'Esprit-Saint, ce que moi j'appelle le plan supramental. Le Nazaréen était son seul maître et vers la fin de son apparition terrestre, lorsqu'on lui demande qui il est, il dit pas « je suis mon seul maître », il répond « je suis ». Parce qu'il est au-delà du phénomène maître. Mais commençons étape par étape, devenons, commençons par être nos seuls maîtres. Lorsque Pierre a renié le Nazaréen, il était manipulé. Est-ce qu'il était son seul maître? Une personne lui demande, « Hey, je t'ai vu avec... » Non. On est manipulé par les autres. Il n'était pas son seul maître. Alors, trois fois de fil, il a renié. Le seul qui a eu confiance a été le fils de Marie, celle que le Nazaréen, à un moment donné, avait gratifiée de punition, c'est-à-dire qu'il avait éliminé les punitions sur elle. Marie, les noms peuvent me revenir, mais vu qu'il faudrait que j'aille fouiller dans les mémoires et ça ne me plaît pas, je préfère rester dans l'instantanéité. Alors, ce Lazare a été le seul qui a accepté de vivre l'initiation du monde des morts. Donc, Lazare n'est pas mort, il a dormi. Le Nazaréen vient le réveiller à un moment donné. Le monde appelle ça la résurrection de Lazare, mais... Regardez comment c'est la tradition. Ah, ça, c'est intéressant. Le Nazaréen dit, c'est écrit encore dans la Bible, mais il n'est pas mort, il dort. Et on appelle comment le passage? Résurrection de Lazare. Il n'est pas mort, il dort. Résurrection pareil. Il est mort. Nazaréen, il ne savait pas trop. Il était fatigué, il arrivait de loin. Et ça, la tradition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'on y va comme on veut. Il n'a jamais ressuscité Lazare. Jamais. Et Lazare est resté par la suite. Alors, Lazare était son seul maître, et lui, il a accepté de supporter le poids. Ça, c'est intéressant. C'est le seul, après le Nazaréen, qui a accepté de supporter le poids du monde, c'est-à-dire de supporter l'attaque de tout le monde. Lorsque tu deviens ton seul maître, tu supportes les maux de l'humanité. Moi, je suis mon seul maître, je supporte les maux des chrétiens. Parce qu'on me dit que je suis blasphémateur. Parce qu'on me dit que je suis ceci, cela. Parce qu'on n'arrête pas de tout ce qu'ils ont peur, ils me le mettent sur le dos. Je supporte les maux des Krishna. La dernière fois que j'étais mangé là-bas, ils sont mis à quatre pour m'attaquer, alors que j'étais en train de les défendre par rapport à un autre. Qui m'attaquait pareil. C'est-à-dire, lorsque je rencontre n'importe quelle personne, automatiquement, je supporte un peu le poids de ses problèmes. Parce que ses problèmes, elle voit en moi ses problèmes. Le Nazaréen a supporté les problèmes de toute la Judée de l'époque, parce qu'évidemment, on l'a même crucifié. Tellement il était blasphémateur, tellement il était ceci et cela. Et évidemment, Lazare a supporté aussi. Tandis que Pierre, non. Pierre, il a dit, non, pas moi, non, je le connais pas, non. Il n'a rien supporté. Et ça l'a donné, évidemment, des descendances assez originales. Au niveau d'évolution spirituelle. Alors, est-ce qu'il y a des personnages aujourd'hui qui sont leur seul maître? Il y en a présentement deux à l'échelle du monde qui ne sont pas tout à fait leur seul maître, mais qui sont en voie. Et ça sera fin 86 ou en 87, début 87. Ces personnages vont devenir leur seul maître. Il n'y en a pas une panoplie. Mais est-ce que ça veut dire que parce que présentement, est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Il y en a eu d'autres avant, il n'y a aucun problème. Mais on parle présentement, là, actuellement, son seul maître. Est-ce qu'il y en a? Il y en a deux qui sont en voie de le devenir et d'ici peu, comme je le dis, vont le devenir. Maintenant, lorsqu'on en a deux de passé, il y en a eu un à un moment donné, le Nazaréen. Parce que Bouddha n'a pas été son seul maître. Bouddha a été extraordinaire, mais il n'a pas été son seul maître. Il a essayé toutes les maîtres, il a essayé les graineries, il a essayé ceci, il a essayé cela, il a constaté au niveau de la pensée, donc c'est une mécanicité astrale. C'est l'expérience qui lui a amené des choses. Tandis que le Nazaréen n'a pas expérimenté des choses, le Nazaréen en parlait des choses. Il le savait. On lui posait une question, il répondait. Il n'a pas expérimenté, Bouddha a expérimenté. Mahomet a expérimenté. Enfin, le premier maître a été le Nazaréen. Le deuxième, Lazare, est plus ou moins complètement. Présentement, c'est complété. Une fois qu'on en a eu quelques-uns, ça devient plus facile de devenir son seul maître. Moi, c'est extrêmement facile à m'en aller vers cet état de seul maître que je vais finaliser fin 86. Ça est extrêmement facile. Et pour plus il y a d'hommes ou de femmes qui deviennent leur seul maître, plus ça devient facile pour les autres. Alors, une personne peut dire, ouais, ben, tabarouette, s'il y en a juste deux, à quoi ça nous sert d'être ici? De toute manière, même s'il y en a juste deux, que vous soyez ici ou ailleurs, ça ne changera rien. Remarquez bien. Maintenant, plus il y a d'humains qui le deviennent, plus les humains le deviennent, plus cela devient facile. Après le Nazaréen, il a défoncé à coups de masse tout ce qu'il y avait à défoncer. Ah là, l'humanité avait plus de facilité maintenant à passer, à avoir le contact avec l'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, l'esprit non coloré par l'ego de l'homme. par l'émotion de l'homme, par la psychologie humaine. Alors plus ça va, plus ça devient facile. Être son seul maître, ben effectivement, parce que dans les 10 ans qui vont venir, au Québec, il y aura un maudit paquet de personnes qui vont devenir leur seul maître. Est-ce que ce sont des élus? Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être un élu 1 millième de seconde avant de mourir, comme 3 heures après être mort. Ça n'a rien à voir. L'humain est toujours en train de se dire, oui, mais moi, si je ne suis pas là-dedans, ça fait que ça n'a rien à voir. L'élu, ce n'est pas celui qui me parle. L'élu, c'est celui qui, à un moment donné, entre en contact avec son esprit. Et ce n'est pas moi, son esprit. Moi, j'ai mon esprit, je suis en contact avec mon esprit, je marche avec mon esprit, je suis mon seul maître, je suis moi-même. Et lorsqu'un être humain, quelque part sur la planète, finit par lui aussi entrer en contact avec son esprit, il est son seul maître, il est ce que l'être humain appelle un élu. Mais ce n'est pas question d'être avec moi ou d'être avec quelqu'un d'autre. Pendant un laps de temps, on prend le métro ensemble, alors on prend le métro ensemble. Et à un moment donné, vous changez de station parce que énergétiquement, génétiquement, biologiquement, neuroniquement, spirituellement, spiritiquement parlant, vous allez vers une autre station. Et ça ne change rien. Et ne comptez pas sur moi pour vous retenir. Ah, oh, mais non. D'ailleurs, même si vous restez quand vous devez changer, vous allez vous ramasser entre deux métros, mais vous allez sortir. L'humain doit devenir son seul maître. Alors, on peut faire un bout de chemin ensemble. On peut faire un bout de chemin ensemble pour la simple raison qu'on est dans une société où l'homme est grégaire et où l'homme, esprétiquement parlant, a des relations énergétiques au niveau de l'évolution. Alors, l'homme évolue en société. Mais ça n'a rien à voir avec la société spirituelle. Un prêtre catholique va devenir un élu. Un musulman va devenir un élu. Un Krishna va devenir un élu. Une personne qui, à un moment donné, est en train de manger son pain et qui, énergétiquement, voit que ce qu'elle fait, ce n'est pas seulement ça. Alors, elle inclut maintenant dans sa conscience la religion opposée. Et soudainement, elle inclut d'autres. Elle inclut autre chose. Elle inclut. Et elle bouffe son pain, et elle inclut le pain. Elle est un élu. Lorsqu'elle va descendre de sa chambre, elle va dire aux autres, « Bye bye, je m'en vais. » Parce que si sa salle n'a pas été complétée, elle va dire aux autres, « Dieu m'a parlé, changeons tout. » Elle va devenir missionnée. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors l'humain qui n'est pas son seul maître va devenir, de plus en plus, il y en aura. Devons-nous avoir un maître? Qu'est-ce que vous préférez? Avoir un ami, avoir des amis ou avoir un maître? Mentalement, on préfère les amis, mais souvent égoïquement, on préfère le maître. Hey, j'aurai plus besoin de penser, plus besoin de douter, plus besoin d'avoir peur, plus besoin de... J'ai une question qui me vient... Toc, toc, toc. Blablabla. Ah. Le maître m'a dit, inquiète-toi pas avec ça. Ah. Alors, je dors-tu bien? Oui, mais l'évolution fait quoi pendant ce temps-là? Toi, en tant que potentiel évolutif planétaire, vu du point de vue cosmique, que fais-tu? Tu nourris le maître et le maître marche. Mais toi, que fais-tu? Toi, tu demandes au maître, suis-je dans le bon chemin, maître? Il n'y a pas un maître qui a besoin de disciple qui va dire non, change de place. À moins que tu sois lépreux ou que tu pues ou qu'il se passe quelque chose. Mais sinon, on ne te conservera pas longtemps. Mais un maître, tu disais tout à l'heure que le maître avait la fonction de pouvoir élever les personnes. Donc, si on se met à la place de la personne qui se fait élever. Tu me poses la question. Tu n'as pas besoin de maître et la majorité des personnes ici n'ont pas besoin de maître. Ils ont besoin, par contre, d'énergie. Si le maître donne de l'énergie et que chaque fois que tu veux t'en passer, il te laisse t'en passer, c'est pas un maître. C'est un outil. Sers-toi-en. Sois pas fou, sers-toi-en. Mais le maître sera pas fou non plus. Tu vas payer son outil. C'est normal. Lui a besoin, tu as besoin, il y a un échange d'énergie. Mais si tu vas chercher de l'énergie et que lorsque tu veux couper, alors là, les disciples ou le maître veut pas que tu coupes, c'est le temps que tu coupes. C'est le temps que tu t'en ailles. Lorsque l'on t'interdit d'être toi, parce que au nom du fait que là, tu ne sais plus, là, repose-toi, pense-y, tiens, lis ceci, sniff, t'en sens là, prends un joint, viens au meeting, on va te donner de l'amour. Tu sais, on va carrément te fourrer. On va te transformer énergétiquement, tu seras plutôt pendant toute lavage de cerveau émotif. Puis là, tu vas retrouver le goût à nous autres. Mais c'est bien évident, tu peux même aller dans un camp de concentration nazie, puis on va réussir à te faire aimer ce que tu fais. Ça va de soi. Non, la personne, qu'elle s'en aille, si chez elle, elle m'a donné le goût de revenir, qu'elle revienne. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne normalement. Alors est-ce qu'on se doit d'avoir un maître? Non. Tu prends un livre, le livre n'est pas le maître. Lorsque le livre ne sert plus à rien, le livre, tu le donnes, tu le jettes, tu le brûles, tu le sers, tu fais quelque chose. Tant que le livre est bon, tu gardes le livre, tu ne chiales pas. Et évidemment, le livre, tu l'achètes. Il y a un échange d'énergie. Jusqu'où on peut être son seul maître? Tu reviens avec à la deuxième partie parce que la question elle m'intéresse énormément. Oh, je pourrais parler un peu être son seul maître. La première partie, c'est de cesser d'être collectif. Mais jusqu'où, par rapport à la disons au maîtriat de Dieu, l'homme peut devenir son seul maître? On pourrait revoir ça à la deuxième partie. Il y aura les questions évidemment des personnes, mais on reverra ça à la deuxième partie. Eh bien, sur ce, vous aurez dans une vingtaine de minutes, une demi-heure maximum. Merci, Daniel. N'oubliez pas,